Je veux parler d'une attitude que vous appelez l'entêtement. Je vais l'expliquer de haute voix parce que j'en ai parlé dans une cassette. Il y a d'autres aspects. Être entêté, ça fait partie du pouvoir de certaines intelligences dans l'astral qui sont suffisamment intelligentes. Plus une intelligence dans l'astral est haute, plus elle est évoluée, plus elle a du pouvoir sur vous, de sorte que plus vous devenez entêté. Et remarquez l'illusion extraordinaire de l'homme spirituel. Pourquoi souvent les gens me demandent, mais qu'est-ce que c'est mon ajusteur de pensée ou qu'est-ce que c'est le guide spirituel avec lequel j'ai contact? Pourquoi ce n'est pas bon que l'homme connaisse les êtres avec lesquels ils ont contact? Parce que dès qu'un homme a contact ou a conscience d'être en communication avec un être d'un certain ordre d'évolution, à cause de sa spiritualité, il va, au lieu de briser le lien avec cet être-là, il va commencer à développer une sorte d'affinité sympathique. Il va commencer à être content d'être en contact avec un être qui est si évolué, surtout si c'est un hindou, prenons un maître hindou ou un maître bouddhiste. Si c'est un indien, ça peut l'intéresser un petit peu parce qu'il est atlante. Si c'est un petit nègre en Afrique, là, il est moins intéressé. Puis si c'est un criminel, bien là, ça ne l'intéresse pas pantoute. Mais si c'est un maître, là, puis il a fait du yoga, puis il a construit en Égypte, puis il a déjà été Rose-Croix, s'il a eu une sorte de passé ésotérique, là, le bonhomme sur la terre, il est content. Il dit, mon maître, moi, c'est un Indien, c'est un grand chef, yo-yo. Puis, mon maître, moi, c'est un Bouddha. Mon maître, c'est un sport. En tout cas. L'homme comprendra demain que l'entêtement est une connexion vibratoire entre l'astral humain et le mental de l'homme. Parce que le monde astral a le pouvoir vibratoire sur le mental humain par la voie de la pensée et par la voie de l'émotion. Et si vous êtes entêté, il faut que vous en arriviez éventuellement à regarder la nature de votre entêtement, c'est-à-dire d'en arriver à décoder votre intelligence entêtée. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes dans une expérience où naturellement vous avez tendance à être entêté. Vous devriez être capable de vous arrêter dans votre entêtement et de vous demander dans la tête pourquoi vous êtes entêté. Et si vous vous demandez dans la tête pourquoi vous êtes entêté, vous allez avoir différentes réponses selon vos personnalités. Et si vous êtes suffisamment intelligent, autrement dit, suffisamment dans l'instantanéité de votre intelligence, vous allez réaliser que votre entêtement est une illusion, est une condition tellement forte qui vous est imposée qu'elle vous semble à vous sur le plan matériel comme étant positive. De sorte que votre entêtement va vous amener à rationaliser la situation qui crée ou qui vous force d'être entêté. Et c'est comme ça que vous brisez de plus en plus les liens avec les hommes et que vous devenez de plus en plus seul. L'entêtement, c'est le pouvoir du plan astral sur l'intelligence de l'homme. Et l'entêtement, c'est très dangereux, même si vous êtes très spirituel ou si vous êtes un ego évolué, parce que l'entêtement peut vous amener un jour à arrêter d'aller plus loin dans la découverte de votre intelligence. Parce qu'il va se produire ceci, c'est que si vous réalisez l'entêtement et que vous commencez à prendre conscience de l'intelligence qui est en vous et qui vous rend entêté à cause du contact vibratoire sympathique sur le plan mental par le biais de vos émotions, vous allez réaliser que cette intelligence-là ne veut pas être délogée de vous. Et c'est ça qui crée l'entêtement. L'entêtement, c'est la personnification dans l'homme d'intelligence invisible dans l'astral qui ne veulent pas être délogés de vous parce qu'elles ont besoin de vous pour exister. Et dès que elles ne vous ont plus comme support, elles sont obligées d'aller à un autre, et à un autre, et à un autre. Et si, dans l'instantanéité, s'il y avait sur la Terre des hommes comme moi, instantanément répandus sur la planète entière, la civilisation changerait instantanément. Parce que le pouvoir astral sur l'homme serait coupé, et la coupure entre l'homme et l'astral créerait un champ de force tellement grand sur la Terre que les éléments dans le minéral, le végétal, l'animal et l'humain seraient instantanément transformés et l'homme entrerait dans une nouvelle conscience planétaire. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces êtres-là, quand ils vous ont perdu, vous, parce qu'ils ne vous ont plus comme joueur inconscient, ils vont aller à un autre et ils vont aller à un autre. De sorte que les entités dans le monde astral se promènent constamment d'une personne à un autre. Et il y a des entités qui ont sous leur pouvoir jusqu'à 1 million, 1,5 million de personnes sur le plan matériel. Ça veut dire que quand tu es très, très élevé dans la pyramide, dans la hiérarchie astrale, plus tu es haut, plus tu entres dans le domaine des seigneurs, que tu deviens un seigneur ou que tu deviens un maître quelconque de certains mondes, plus tu as sous ta tutelle des êtres humains qui correspondent à ta vibration. Et il ne doit pas y avoir de liaison entre l'homme et ces êtres-là. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui un combat si puissant dans l'astral et qu'il se produit dans le monde entier tellement de religions et de sectes et de philosophies, de gourouisme, de toutes sortes de choses, parce que ces forces veulent maintenir leur contrôle sur la population humaine. Et une des meilleures personnes dans la salle ici pour vous expliquer ceci, c'est Croteau. Alors, l'entêtement, c'est pas seulement une expression de notre caractère, c'est pas seulement une qualité quelconque de notre caractère, parce que j'ai dit, j'aime mieux les gens qui ont des têtes de cochon que des gens qui sont trop faibles. Ça, c'est une façon pour expliquer un aspect du phénomène. Mais il y a l'autre aspect du phénomène qui fait que les gens qui sont entêtés, non pas en relation avec ma personne, mais en relation avec d'autres personnes, ces gens-là sont assujettis à des forces intelligentes qu'ils doivent et qu'ils devront un jour détruire dans leur vie, parce qu'ils ne pourront jamais aller plus loin dans leur intelligence que l'entêtement qu'ils ont. Autrement dit, ils ne pourront jamais avoir une vibration dans leur intelligence qui les amènera à dépasser l'intelligence de ces êtres, c'est-à-dire que l'entêtement, c'est la limite de l'intelligence de l'être humain. L'entêtement, c'est la limite de l'intelligence de l'être humain. Et à un certain moment, lorsque l'être humain entre en confrontation avec ces entités dont lui vit l'expérience et qui se manifeste dans son expérience comme de l'entêtement, cet être humain qui réussit à détruire le lien avec ses hautes intelligences, qui sont extrêmement intelligentes et qui peuvent facilement vous amener à rationaliser tout, tant que l'homme n'a pas réussi à briser ceci, il n'est pas dans son intelligence, même s'il est très intelligent. Ça m'amène à parler de ceci. C'est que c'est très dangereux pour l'homme d'être très intelligent. Il y a une différence fondamentale, subliminale, entre être très intelligent et être dans l'intelligence. Moi, je ne suis pas très intelligent, mais je suis dans l'intelligence. Et quand je dis que je ne suis pas très intelligent, je dis deux choses. Je dis que je n'ai pas l'impression d'être intelligent et je dis que je ne suis pas assujetti à une intelligence supérieure. Et un homme qui est assujetti à une intelligence supérieure peut être très intelligent parce que cette intelligence supérieure va canaliser en lui son savoir. Et l'intelligence sur le plan humain, qu'est-ce que c'est? C'est le savoir qui vient de ces intelligences dans l'invisible et qui se communique à l'homme sur le plan matériel. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a dans le monde des scientifiques extrêmement intelligents qui sont des canaux, qui reçoivent de l'information par ces intelligences très intelligentes et qui fait que eux, sur le plan matériel, se pensent intelligents lorsque, en fait, ils sont totalement ignorants. Alors, c'est très dangereux d'être très intelligent et d'avoir l'impression d'être intelligent. Et tant que vous aurez l'impression dans votre vie d'être intelligent, vous ne serez pas dans l'intelligence, vous serez dans l'intelligence de quelqu'un qui est sur le plan astral quelque part, qui peut être très élevé, mais qui vous tient en laisse comme on tient un chien en laisse. Et un jour, vous serez obligé de réaliser ceci, de détruire le lien avec cette intelligence, pour que se détruise en vous votre entêtement, pour que se détruise en vous l'impression d'être intelligent, puis à ce moment-là, vous commencez à rentrer lentement dans votre intelligence, et après des années comme moi, vous commencerez à réaliser que on commence à découvrir ce que c'est que de l'intelligence. Alors, faites bien attention si vous avez l'impression d'être intelligent, parce que je vous assure que si vous avez l'impression d'être intelligent, l'impression que vous avez vient d'un contact mental avec le plan astral. C'est pour ça que vous reconnaîtrez et vous remarquerez que les gens qui ont l'impression d'être intelligents ont toujours une petite odeur d'orgueil ou de vanité dans l'esprit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est une loi inexorable. Tous les gens qui ont l'impression d'être intelligents, si vous êtes moindrement vibratoire, vous sentirez toujours dans ces gens-là un petit peu d'orgueil ou de vanité dans l'esprit. C'est une équation mathématique. C'est mauditement précis et c'est fantastique. Alors, ensuite, tu as l'opposé. Tu as les gens qui n'ont pas l'impression d'être intelligents. Eux autres, ils souffrent. Alors, les gens qui n'ont pas l'impression d'être intelligents et qui souffrent de ne pas être intelligents sont ceux qui sont en contact avec ce que j'appelle l'ajusteur de pensée. C'est une autre loi inexorable. Les gens qui ne sont pas capables encore de sentir leur intelligence sont en contact avec l'ajusteur de pensée. Les gens qui ont l'impression d'être intelligents sont en contact avec des très hautes personnalités dans le monde astral. Ça sert à leur expérience. Un jour, ça devrait être changé. Et les gens qui n'ont pas l'impression d'être intelligents, qui ne sont pas capables encore de se servir de leur intelligence, sont en voie de développement de cette connexion avec l'ajusteur de pensée, qui les amènera dans les années à venir à l'intérêt vital, qui les amènera dans les années à venir à faire ce qu'ils ont à faire, et ces gens-là, in the meantime, ils ont rien qu'à continuer à travailler chez eux.